Chapitre 16e. Vibert, après avoir quitté l'Anglade, alla rendre compte de sa visite au chef de la police de sûreté. « Comme je l'avais prévu, lui dit-il, je n'ai pu le décider à parler. Il est probable qu'il ne répondra même pas aux questions qui lui seront adressées par le président des assises. » Vibert aurait pu ajouter « J'ai, il est vrai, un moyen infaillible de l'arracher à ce silence obstiné, c'est de lui dire, soleil couchant, que je viens de voir, et désolé de la façon dont elle s'est conduite. Elle s'est reprise à t'aimer depuis qu'il s'est séparé de toi. Elle te prie de lui pardonner et de te défendre dans l'espérance qu'on t'enverra simplement au bagne d'où tu t'échapperas, suivant ton habitude, pour la rejoindre. » L'Anglade aurait certainement ajouté foi à ces paroles. Nous croyons si facilement à ce qui peut nous rendre heureux. On est surtout si crédule en amour et lorsqu'on souffre, si disposé à ne plus souffrir. Mais Vibert ne voulut pas employer un semblable moyen. Il avait eu le temps de juger soleil couchant. Il savait qu'elle n'était pas femme à changer d'opinion. Loin de désirer la délivrance de l'Anglade, elle souhaitait, de toute son âme, une bonne condamnation à mort qui ne la délivra de lui pour toujours. Pourquoi, se dit-il, rattacher ce malheureux à la vie? S'il est condamné à la peine capitale, il souffrira bien plus cruellement de mes confidences. S'il est envoyé au bagne, et s'il s'en échappe, soleil couchant, à force de dureté, le fera mourir à petit feu. Cependant Vibert, qui désirait tenir en partie la promesse faite à l'Anglade, demanda des nouvelles de soleil couchant. « Elle est libre depuis 15 jours, lui répondit le chef de la sûreté. « Ah, vous lui avez rendu la clé des champs ?»« Sans doute. Elle avait été arrêtée pour un simple délit, et nous lui avons fait remise de la peine encourue pour la récompenser de nous avoir livré son amant. » Quant à l'affaire de l'assassinat, il est évident qu'elle ne pouvait être la complice de l'Anglade. Elle comparaîtra simplement aux assises comme témoin. Il était inutile de la nourrir et de l'entretenir jusque-là aux frais de l'État. Nous avons des pensionnaires plus intéressantes. « Savez-vous ce qu'elle est devenue depuis sa mise en liberté ?» demanda Vibert. « Certainement. Nous ne devions pas la perdre entièrement de vue, et si vous désirez jeter un coup d'œil de son côté, elle demeure pour l'instant, dit le chef de la sûreté, en consultant un registre, rue des Trois Frères, au coin de la rue Saint-Lazare. « Dans un hôtel meublé, sans doute ?» demanda Vibert. « Pas le moins du monde. Elle est déjà dans ses meubles, la matine. Elle est trop jolie pour chômer. » En effet, comme l'assura le chef de la police de sûreté, soleil couchant avait trouvé, depuis sa sortie du dépôt, l'occasion d'être dans ses meubles et s'était empressé de la saisir aux cheveux. Cette fois, c'était de vrais meubles, des meubles achetés à un tapissier payé au comptant. Il ne ressemblait en rien au mobilier que l'Anglade avait un jour gracieusement offert à sa maîtresse aux dépens d'un propriétaire des environs de Paris. Cette largesse, dont soleil couchant se trouva tout à coup gratifié, était due à la générosité d'un jeune Anglais de la plus belle venue. Voici ce qui était arrivé. La porte de la conciergerie, qui donne sur le quai, s'était à peine ouverte et soleil couchant jetait encore autour d'elle ses regards étonnés et éblouis de tout prisonnier qu'on rend à la liberté, lorsqu'elle fut abordée par un jeune homme des plus pittoresques. Il avait des jambes qui n'en finissaient pas, des dents aussi longues que ses jambes, des cheveux d'un blond des plus fadasses, de petits yeux clignotants et un teint de jeune fille qui vient de courir au soleil. Son corps, long et maigre, était du reste habillé à la dernière mode du hugandinisme de l'époque. « Ah, miss !» s'écria-t-il avec un accent britannique des plus prononcés. « On ne m'avait pas trompé, moi !» « Vous êtes very beautiful !» Soleil couchant regarda l'insulaire, partit d'un éclat de rire et dit « Eh bien, si je suis very beautiful, vous êtes richement laid. »« Very well, perfectly !» dit l'anglais. « Mais je suis le fils de Lord B, et je jouis déjà d'un revenu de 5 000 livres sterling. »« Combien cela fait-il en monnaie française ?» demanda Stéphanie, subitement intéressée à la conversation. « Plus de 100 000 francs de rente !» « Vraiment. Alors je ne retire pas mon mot, vous êtes richement laid. Que puis-je faire pour votre seigneurie ?»« J'ai entendu parler de vos aventures, de votre procès, de vos cheveux. Vous êtes très à la mode, en ce moment à Paris, et je viens vous proposer de vivre avec moi. » »« Comme cela, à l'improviste, sans me prévenir. Vous ne craignez pas que j'éprouve un saisissement. Vivre avec vous, jeune homme, mais c'était le rêve de ma vie. » « Je vous pressentais avant de vous connaître. Je vous aimais avant d'entendre le son de votre voix enchanteresse. »« Alors, rien n'est plus facile de nous entendre, » dit tranquillement l'anglais. Sans prendre garde au tongoyeur de soleil couchant, et avec cet aplomb que donne une grande fortune. « Rien n'est plus facile, en effet, » répéta Soleil couchant. « Mais d'abord, comment saviez-vous que je sortais aujourd'hui de cet établissement ? » fit-elle en montrant les murailles de la conciergerie. « Oh, moi, avoir des intelligences partout. Voulez-vous venir jusqu'à ma voiture ? Nous y serons plus à l'aise pour causer. » « C'est à vous, ce coupé à deux chevaux ?»« À vous, Milady, si vous voulez accepter. »« J'accepte toujours, » dit Soleil couchant. « Nous verrons après. » Il est facile de prévoir le dénouement d'une conversation commencée dans de pareils termes. L'anglais était aussi généreux que l'est. Soleil couchant sortait de prison comme un petit Saint-Jean, sans asile et dépourvu de tout. Elle accepta les propositions qui lui furent faites, et 8 jours après, elle avait un appartement élégamment meublé, des toilettes éclatantes et un 8 ressorts. À Paris, il n'est pas rare de voir ces revirements soudains dans l'existence d'une jolie fille. La fortune se plaît quelquefois à les combler de ses faveurs, en attendant que l'hôpital les réclame. La roche tarpéienne se dresse à côté du Capitole, surtout pour ce genre de femme. Vibert, suivant la parole donnée à Langlade, se présenta donc chez Soleil couchant. Elle le reconnut aussitôt, pâlit et s'écria. « Qu'ai-je fait encore ? Vous venez m'arrêter ? Rassurez-vous » lui dit l'agent de police. « Je désirais tout simplement vous féliciter de votre splendeur. C'est très gentil ici. Bien vrai, vous ne venez pas m'arrêter. Je viens en ami. Alors embrasse-moi » fit-elle en lui passant ses bras autour du cou. Elle n'avait jamais été plus jolie. Le luxe lui allait à ravir. Elle était en toilette du matin, ou plutôt en déshabillée, car ses vêtements se résumaient en un grand peignoir ouaté, une chemisette brodée, une paire de bas, des jarretières et des mules roses à talons. Ses cheveux, que depuis sa sortie de prison elle avait pu confier aux soins d'un coiffeur habile, étaient encore plus soyeux et plus éblouissants qu'autrefois. Un corps admirablement modelé se dessinait sous le peignoir. La chemisette laissait entrevoir quelques taches de rousseur artistement semées sur la poitrine et ressemblant, à s'y méprendre, à des grains de beauté. Une jambe potelée et cependant nerveuse s'égarait à plaisir hors du peignoir ouvert par le bas. Certains arômes, particuliers aux rousses, s'épandaient dans le boudoir et montaient au cerveau. Vibert fut un instant enivré, avouons-le, à sa plus grande honte. Mais il se remit aussitôt, pria Soleil couchant de se tenir tranquille et la faisant asseoir à quelques pas de lui. « Alors tout cela t'appartient ?» lui dit-il en montrant le mobilier qui l'entourait. « Oui, mon cher, c'est mon petit anglais qui me l'a donné. J'ai les factures à quitter. Tu es donc en puissance d'anglais ? Pas si bête. C'est l'anglais qui est en ma puissance, si vous saviez comme je le fais aller. Vous comprenez ? J'étais battu toute ma vie. Maintenant, c'est moi qui bats. » « C'est fort juste, » dit Vibert. « Tu entends parfaitement le libre-échange. » « Vous voyez cette jolie cravache avec un manche en corail ?» ajouta Soleil couchant. « C'est lui qui me l'a donné hier, et je ne lui ai pas caché l'usage que j'en ferai. » « Tu as l'intention de... » dit Vibert qui acheva sa phrase à l'aide d'un geste. « Certainement. Je compte de temps en temps prendre de l'exercice aux dépens de ses épaules. Il aime cela du reste, et rit comme un fou. Il dit à ses amis, « Elle m'adore, cette petite Française, elle me bat comme plâtre. » « Tu ne prenais pas aussi gaiement ?» fit observer Vibert, « les petites corrections que t'administrait Langlade. « Oh, ne me parlez pas de ce butor !» fit Soleil couchant. « Je ne puis pas penser à lui sans frémir. On ne le juge donc pas. » « Excellent petit cœur de femme, » se dit à part l'agent de police. « Et c'est pour ces charmants êtres-là que le plus souvent nous passons notre vie à travailler et à souffrir. » Il reprit à haute voix. « Je crois que son procès viendra dans 15 jours. »« Cela tarde bien, » dit naïvement Soleil couchant. « Je ne serai véritablement tranquille qu'après sa condamnation. Jusque-là, j'ai toujours peur qu'il ne s'échappe. J'ai rêvé cette nuit qu'il prenait mon anglais par un pied, le faisait tournoyer au-dessus de sa tête et le lançait par la croisée. C'était drôle, mais cela compromettait singulièrement mon avenir. J'ai un mobilier, mais je n'ai pas encore de rente. « Tu en auras, » dit Vibert, « je ne désespère pas de toi. Ni moi non plus. Je serai joliment mon aise, allez, si cet affreux colosse ne s'était pas approprié 5 années de ma vie. Alors tu ne tiens pas à le voir. Le voir, ah mon Dieu !» fit-elle en pâlissant. « Est-ce que vous lui avez encore promis ? Ce serait une indignité. Qu'on fasse de moi tout ce qu'on voudra, mais pas cela. »« Calmez-vous, cher ami. Langlade serait heureux de votre visite. Mais nous ne vous contraindrons pas à vous rendre chez lui. »« Oh, merci, vous me faites du bien. » »« Je lui ai simplement promis de lui donner de vos nouvelles. »« Vous lui direz que je me porte à merveille. » que j'engraisse, que je prends des couleurs, que je m'amuse comme une petite folle, et que j'ai pour amant le plus joli des Anglais qui me rend la plus heureuse des femmes. Voilà, s'il n'est pas content, c'est qu'il ne m'a jamais aimée. Me promettez-vous de lui répéter tout cela ? Non, dit Vibert, devenu sérieux, ce serait trop pénible pour le pauvre diable. Ah, vous le plaignez, vous ? Dit Soleil Couchant. On voit bien que vous n'avez pas vécu 5 ans avec lui. Je ne suis pas bonne, je l'avoue, je ne suis pas tendre à l'excès. Cela se voit, fit observer Vibert. Mais je ne suis pas aussi méchante que vous avez l'air de le croire. Quand on ne me fait pas de mal, je n'en fais pas. C'est bien le moins, dit l'agent de police. Voulez-vous m'être très agréable ? Ajouta Soleil Couchant. Voyons, ne parlons jamais plus de mon ex-colosse. C'est entendu. Adieu. Quoi, vous partez ? L'anglais n'aurait qu'à me surprendre chez vous, dit en souriant Vibert. Oh, je ne suis pas embarrassé pour si peu, fit-elle en riant. Je voudrais bien qu'il se permît une observation. Et ma cravache, vous l'oubliez. Il est parfaitement entendu entre lui et moi, du reste, que je jouis de la plus grande liberté. En toute chose ? Demanda Vibert. Surtout en toute chose. Si vous croyez que je vais m'amuser maintenant à être fidèle à un homme. Ah, mais non, je sors d'en prendre. L'heure des caprices a sonné, et je vous le prouverai bien, si vous étiez un peu moins froid à mon égard. Quoi ? Dit Vibert, vous êtes encore coiffé de ces idées-là. Tant que vous ne m'aurez pas décoiffé, fit-elle de sa voix la plus douce. Ne l'espérez pas, dit-il en riant. Elle se campa devant lui et lui dit. Décidément, tu ne me trouves donc pas belle. Admirable, au contraire. Alors je ne vous comprends pas. Je me comprends quand bien moins, répliqua-t-il. Seriez-vous amoureux d'une autre femme ? Demanda-t-elle. Oh, ne parlons pas de cela, dit brusquement Vibert. Cette réponse est un aveu. Prenez-la comme vous voudrez. Eh bien, si quelque jour vous étiez trop malheureux à cause de cette femme, venez me voir. Un clou chasse l'autre, assure le proverbe. Cela dépend du clou qu'il faut chasser, se dit Vibert.